En 56, on a fait ce plan Kleist, qui était ambitieux, vraiment, et qui a aussi donné un sentiment de protection extrêmement fort, avec cette idée que maintenant qu'on a construit toutes ces digues, qu'on a fait ces aménagements, qu'on a conçu un champ d'expansion des crues, j'exagère un peu, mais il y avait ce côté « enfin, ça y est, on est protégé ». Et je voulais juste donner des précisions ici sur la relativité de cette protection. C'est-à-dire que, première chose, depuis 1856, il n'y a pas eu une crue aussi importante. Il y a eu une crue en 1926 qui a été assez forte, en 1944 aussi, en 1957, mais jamais aussi forte. Donc, en termes de test des infrastructures, il y a des limites. Il y a un autre phénomène, c'est que finalement, on est moins protégé qu'en 1959-60, quand les travaux ont été terminés. Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs choses. C'est qu'il y avait des aménagements sur lequel on a un peu revenu. Par exemple, le champ d'expansion des crues qu'on a défini, eh ben, il a été, entre guillemets, un petit peu mangé. Les communes de l'amont ont voulu dire bah, on aimerait bien une petite digue, on aimerait bien être un peu protégé. Donc on est allé un peu manger cette zone-là. Le fait aussi qu'on urbanise de plus en plus et qu'on crée maintenant des bâtiments sur caissons étanches, c'est-à-dire pour pas qu'il y ait d'infiltration. Mais du coup, ça mange sur... Je ne parle pas forcément avec les termes techniques qu'il faut, mais je ne sais pas comment on dit. Voilà. Du coup, il y a ce phénomène d'imperméabilisation des sols qui fait que l'eau ne peut pas remonter à plein d'endroits. Donc, ça veut dire qu'elle va être plus intense à d'autres endroits que sur les digues et les quais qu'on avait imaginés. Et alors, vous voyez, des fois, il y a des escaliers qui descendent. Mais avant, on pouvait... Et du coup, il y a le mur, il y a les escaliers. Et on mettait ce qu'on appelle des batardos, c'est-à-dire des sortes de gros objets en bois qui... quand il y avait une annonce de crue, permettait de protéger davantage. Et maintenant, ces bâtardos, on ne les a plus. Donc ça veut dire qu'il y a un mètre en moins de protection de ces digues-là.